Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Noka saichai shisaki kankuna. Rua naiki noka niskaita. Noka saichai shisaki kankuna. Rua naiki noka niskaita. Prenez. Yaipi. Yaipi. Donnez-moi les lunettes. Kuai letes nikita. Kuai letes nikita. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Kawachiwai churai chai lapin iruta. Kawachiwai churai chai lapin iruta. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Tikjari, yapi mai tijerato. Tikjari, yapi mai tijerato.